Cocaine dans Benzo, my punks dans Enzo. Mon cœur vient du ghetto, yeah. J'vis, j'meurs dans le ghetto. John Ken ne m'aime pas, Big Gun ne sait pas. Ma drogue vient de Pays-Bas, j'la fuck et j'paye pas. Cocaine dans Benzo, my punks dans Enzo. Mon cœur vient du ghetto, yeah. J'vis, j'meurs dans le ghetto.